L'infini se contemple indéfiniment. Ça se passe là-haut, par Eric Simon. C'est un résultat exceptionnel. Une très vaste étude vient de mesurer la constante de Hubble, H0, par une toute nouvelle méthode, complètement indépendante des deux autres méthodes qui sont en désaccord entre elles, la méthode utilisant les céphéides et les supernovas, et la méthode reposant sur la mesure du fond diffus cosmologique. Ce tout nouveau résultat donne une valeur de H0 très précise qui se trouve cohérente avec les mesures récentes par les céphéides et supernovas. Les mesures issues du CMB par Planck sont donc à nouveau en difficulté et avec elles le modèle standard de la cosmologie. On doit cette étude à une grande collaboration internationale appelée H0 LICO, pour H0 Lenses in Cosmograils Wellspring. La méthode qu'ils ont mis en œuvre pour mesurer la constante de Hubble H0 est simple et géniale sur le papier et très innovante dans sa mise en œuvre. Ils ont exploité le phénomène relativiste de lentilles gravitationnelles produit par des galaxies et qui produisent un dédoublement des images de quasars situés à grande distance en arrière-plan. 5 lentilles différentes de ce type ont été exploitées. L'idée est la suivante. Comme les puits gravitationnels, les 5 galaxies massives étudiées, ne sont pas parfaitement symétriques et que les quasars d'arrière-plan ne sont pas parfaitement alignés non plus dans notre ligne de visée, les images multiples qui apparaissent tout autour des galaxies massives montrent bien le même objet astrophysique démultiplié, mais avec un décalage temporel, étant donné que le chemin parcouru par la lumière, pour chaque image fantôme, n'est pas tout à fait le même. Et comme les quasars d'arrière-plan montrant ces images multiples sont des objets qui émettent des rayonnements par bouffée très bien définis dans le temps, il est aisé de mesurer l'écart temporel qui existe entre chaque image fantôme d'un même quasar dans la lentille multiple. Or, cet écart temporel dépend directement de la valeur de la constante de Hubble. L'équipe de H0 LICO détaille tous ses résultats dans pas moins de 6 articles publiés ou à paraître très bientôt dans les Monthly Notices of the Royal Astronomical Society. Ils ont utilisé une quantité impressionnante de télescopes du monde entier pour mener à bien leurs recherches. On peut les citer, alors le télescope japonais Subaru, les télescopes spatiaux Hubble, oui, logique, et Spitzer, les télescopes américains Keck et Gemini, le Very Large Telescope européen, ainsi que les télescopes Victor Bianco, le Canada-France-Hawaï, le petit suisse Leonhard Euler télescope de 1m20, et enfin le télescope de 2m20 de l'ESO. L'équipe menée par Sherry Seyou du Max Planck Institute for Astrophysics parvient, grâce à cette très belle réussite observationnelle, à fournir une valeur pour H0 qui est de 71,9 plus ou moins 2,7 km par seconde par mégaparsec, avec donc une précision de 3,8%. Vous vous souvenez sans doute que l'année dernière, H0 avait été réévalué avec une précision accrue à l'aide de mesures de distance de céphéides et de supernova par l'équipe de Adam Riess, et nous en avions parlé ici sur Ça se passe là-haut. Et donc il trouvait 73,24, plus ou moins 1,74 km par seconde par mégaparsec, en contradiction, en tension, comme disent les chercheurs, avec la valeur déduite en 2015 des mesures du fond diffus cosmologique par le satellite Planck, qui, elle, donnait 66,93, plus ou moins 0,62 km par seconde par mégaparsec. L'élément crucial de cette nouvelle mesure est qu'elle est totalement indépendante des deux autres méthodes. Son résultat permet ainsi de départager les deux précédentes en tension. Et ce sont les mesures des céphéides et supernovas qui se retrouvent confortées par cette nouvelle évaluation, les valeurs étant cohérentes dans leurs barres d'erreur respectives. Le problème est que tout le modèle cosmologique standard repose sur les données qui sont déduites des mesures du fond diffus cosmologique, avec une H0 inférieure de 7% à celle mesurée dans l'univers local, donc. C'est donc comme si la vitesse d'expansion de l'univers actuel est trop grande par rapport à ce qu'elle devrait être d'après le modèle standard lambda CDM. Cette différence est inexpliquée et pourrait très bien être un signe de l'existence de nouvelles physiques, selon les spécialistes. La méthode exploitant la mesure du délai temporel de sources lointaines dont la lumière parcourt des distances différentes pour estimer H0 était dans les cartons des astrophysiciens depuis près de 50 ans, mais elle n'avait jamais pu être mise en œuvre. L'effort de la collaboration H0-LICO pour y parvenir enfin est tout à fait remarquable et même bluffant. Les chercheurs de la collaboration sont maintenant à la recherche de nouvelles lentilles gravitationnelles ayant les bonnes caractéristiques et espèrent en trouver plusieurs centaines pour affiner encore la valeur de la constante de Hubble et atteindre une précision de 1%. Peut-être pourra-t-on comprendre bientôt pourquoi l'univers semble gonfler plus vite que ce qu'il devrait selon la théorie. Les 6 articles de la collaboration H0-LICO sont à paraître pour les 3 premiers et sont déjà parus pour les 3 derniers dans Monthly Notices of the Royal Astronomical Society, donc le numéro 465 daté de mars 2017 pour les 3 derniers. Et peut-être le même numéro pour les précédents. Je mets les liens tout en bas de ce billet. Je ne les cite pas car ils sont vraiment nombreux. 6 articles bien bien denses et qui expliquent tous les détails. Voilà, restez bien à l'écoute sur le www.ça-se-passe-là-haut.fr. Ça se passe là-haut, le blog où l'univers de la constante de Hubble se contemple indéfiniment. Vous retrouvez cette émission bien sûr sur iTunes, bien sûr sur PodCloud, ainsi que sur Stitcher et YouTube. Et aussi toujours sur le blog lui-même, bien évidemment. Allez, d'ici la prochaine, portez-vous bien, restez bien les yeux vers le ciel et les pieds sur terre. Allez, salut !